Bonsoir à toutes et à tous. Bonne soirée à nos auditeurs à l'écoute de RGM pour l'émission. La parole est à vous. Alors, avec un magazine santé, pour le mois, avec Jean Tisserand, le docteur Jean Tisserand, par exemple. Parce que Bonsoir à tous nos auditeurs. On lui laisse quand même le titre de docteur. Hein. Oui, c'est un ex-titre. Mais... voilà. Voilà, alors on va parler température, parce que c'est vrai que nous avons eu quand même une période de canicule avec des chaleurs assez élevées, très élevées même hein, pour la région, pour la saison. Fin juin déjà. Fin juin, ouais. c'était très fort. Et puis on risque de retourner à nouveau dans la canicule, puisque la température va remonter. La semaine prochaine, peut-être. Hein. Oui. Ouais. Bah déjà cette semaine, hein, je crois qu'on annonce du 27, 28. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, c'est pour les Vosges, c'est un peu excessif. Ouais. On le voit, les conséquences sur la forêt. Mais on va parler aujourd'hui des conséquences sur la santé, quoi, bien entendu. Justement, je suppose que les urgences de l'hôpital ont dû être un peu assiégées. On pourrait parler quand même de ce que devient l'hôpital de Remiremont, hein, puisque Jean... est l'un des vice-présidents de l'association ADEMAT. Et à ce titre, donc, tout l'été, il faudra suivre les évolutions au niveau de l'hôpital de Remiremont. Oui. Où en est-on exactement? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu un plan de performance qui était imposé par l'ARS. La première partie est passée. Il y a quand même pas mal de suppressions d'emplois, de suppressions de lits. Mais il semble que la deuxième partie soit un petit peu mise entre parenthèses pour l'instant. Hein. Il y a eu l'influence de l'ADEMAT, l'influence des politiques locaux qui ont joué certainement. Mais l'action des syndicats au niveau des urgences. De la population qui nous soutient. Hein. On a quand même... Il y a eu le problème des urgences qui ont démontré aujourd'hui quand même... Ah oui, qu'on est dans une impasse totale. Qu'on est dans une impasse totale au point de vue hospitalisation publique. Oui. Les urgences n'ont plus de lit d'aval pour hospitaliser les patients. Ils perdent un temps fou à essayer de trouver des solutions pour s'occuper des malades. Et puis, il y a une carence de personnel aux urgences. Même si tu es extérieur à l'hôpital maintenant, hein, pour cause de retraite, oui. Il n'empêche que tu as certainement des informations concernant les urgences. Oui, et l'activité des urgences est toujours très forte et nécessite qu'on ne déshabille pas ce service à Remiremont. Et justement, donc, même si officiellement l'ARS met un petit peu en sourdine pour l'instant, hein, je pense, les contrats de performance qui sont en fait des contrats d'économie financière et budgétaire, des restrictions de postes et de lits, il semble que l'administration et les directions de l'hôpital continuent en sous-main son travail de sape progressive de l'hôpital de Remiremont, en ne renouvelant pas les postes, les départs à la retraite ou des choses comme ça. En encourageant les gens à demander leur mutation pour Épinal. À transférer un maximum de personnes sur l'hôpital d'Épinal. C'est pas officiel, mais ça se fait alors que cet hôpital-là n'est pas fonctionnel aujourd'hui. Encore. Oui, il n'est pas fonctionnel. Et que l'hôpital de Remiremont, je le répète encore, travaille 40% de plus d'activité que celui d'Épinal. Oui. On déshabille celui de Remiremont pour essayer d'habiller celui d'Épinal qui travaille moins. Voilà. Qui travaille moins et qui n'a encore pas atteint sa vitesse de croisière, on pourrait dire. Et qui n'est pas efficient, quoi. Qui n'est pas efficient actuellement. Voilà. Alors, ce problème des urgences nous ramène, bien sûr, aux températures extrêmes qu'on a pu avoir. Alors, quelles sont les conséquences vraiment de la chaleur sur la santé? On n'est pas trop habitué non plus dans les Vosges à avoir des températures très élevées. La chaleur a plusieurs conséquences sur notre santé. C'est une élévation de la température du corps humain. Hein, et nous luttons physiologiquement, naturellement, contre cette élévation de température par la sudation. Nous suons, nous perdons de l'eau par la peau. L'évaporation de la sueur au niveau de la peau fait du froid, refroidit le corps humain. Mais ce faisant, on perd de l'eau et on perd un petit peu d'électrolytes, de sel. Donc, les conséquences importantes, c'est une déshydratation. premièrement, c'est la première cause. La première, surtout chez les personnes âgées. Les nourrissons, les personnes âgées, les femmes enceintes, les malades qui sont sous médicaments, sous diurétiques, etc. Il y a plein de conséquences. On pourra en faire le détail tout à l'heure si vous le souhaitez, hein, si tu le souhaites, Michel. Et puis, la chaleur peut aussi intervenir sous forme de, je dirais, d'intoxication aiguë par le chaud. C'est ce qu'on appelle les coups de chaleur. Le coup de chaleur, c'est des malaises, c'est des vertiges, des céphalées, des troubles de la conscience, des propos incohérents, voire des convulsions. Et c'est une cause de décès par la chaleur. Donc il faut savoir s'en protéger aussi. Hein, voilà. Et puis, comme je disais, il y a beaucoup de conséquences sur les gens plus fragiles. Le nourrisson, la personne âgée n'expriment pas leur soif. Le nourrisson l'exprime, mais on ne le comprend pas toujours. Et la personne âgée, elle perd la sensation de soif. C'est un problème important, ça. Voilà, en gros, pour introduire ces problèmes de santé, quoi. Et donc, il est nécessaire de... Mais à partir de quel stade on peut mettre sa santé en danger, véritablement? Alors, enfin, c'est un petit peu suivant. Le seuil est variable en fonction de la personne et de sa pathologie. Mais on dit par exemple qu'un nourrisson qui perd 10% de son poids est en danger, est en grand danger. Hein? Ça peut arriver aussi sur des gastro, non? Oui, sur des gastro-entérites. Oui. Et les personnes âgées, il faudrait peut-être les peser aussi, peut-être, qui sait, pour voir leur état de déshydratation. Hein? Et puis il faut les faire boire régulièrement, quoi. Et. Quand on sue, pour revenir à l'évaporation de la sueur, on augmente la circulation sanguine cutanée. Pour apporter de l'eau, du sang et de l'eau sous la peau, il faut dilater ces vaisseaux. Et quand on dilate ces vaisseaux, on diminue la pression artérielle et on augmente le travail cardiaque. La fréquence cardiaque augmente de 15%. Donc pour des cardiaques, ça peut être problématique. Ça peut poser des soucis, quoi. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les sportifs en compétition prennent quelquefois du sel. Oui, mais il faut le faire en quantité modérée. Parce qu'il n'est pas licite d'apporter des doses de sel. S'il y a une alimentation équilibrée... Le sel contribue à retenir l'eau. À retenir l'eau, oui. Mais je dirais que nous avons tous des alimentations trop salées naturellement. Les besoins en sel sont de 3 à 4 grammes par jour. Et notre alimentation en contient souvent 8, 10, 12, 15 grammes par jour. Donc Tant que c'est cela. Oui, on est tous trop salés. Donc il n'est pas nécessaire d'apporter du sel si on a une alimentation équilibrée, normalement salée par ailleurs. Hein, voilà. Par contre, il peut être utile... Sauf si on perd vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Quoi. Oui, un petit peu d'eau. Il peut être utile de revoir les régimes sans sel pour les cardiaques. Ou les gens sous diurétique, les gens qui prennent des médicaments pour faire baisser la pression artérielle en pissant les liquides, quoi. En gros, ces gens-là perdent du sel. Et dans ce cas-là, ils ont associé un régime sans sel. Et en cas de canicule, je pense qu'il faut rediscuter avec le médecin traitant. Chaque patient doit le voir. C'est pas une consigne générale, mais chaque patient doit poser la question à son médecin traitant pour savoir s'il faut pas avoir le pied un petit peu plus léger sur le régime sans sel. Et les femmes enceintes, alors ? Les femmes enceintes ont des besoins hydriques importants parce que leurs reins travaillent beaucoup. Leurs reins travaillent à la fois pour le fœtus, pour le placenta et pour la patiente, pour la femme elle-même. Et elles doivent boire 2 litres d'eau par jour. C'est une nécessité. Et plus s'il y a des problèmes de canicule. L'eau du robinet. L'eau du robinet est quelque chose de largement suffisant. Hein. Pas boire. Alors, boisson, très attention au sucre. Ah oui, bien sûr. Les sucres rapides entraînent une augmentation de l'osmolarité sanguine et c'est pas bon, hein, c'est mauvais. Donc, danger pour l'excès de sucre ou l'excès de sel qu'on peut trouver dans certaines boissons préparées. Je pense à des soupes commerciales toutes préparées qui contiennent des quantités de sel astronomiques. Donc, il faut faire attention. C'est encore le cas aujourd'hui, parce que encore avec le cas. Les recommandations oui, qu'il y a, encore... même au niveau de l'OMS, etc. Encore, c'est encore aujourd'hui. Les industriels agroalimentaires continuent à mettre à saler. Beaucoup de sel. Beaucoup de sel dans beaucoup l'alimentation. Trop. Oui, parce que le sel retient de l'eau dans les aliments, et ça fait peser plus lourd, ça fait plus de... Ah oui, d'accord. De c'est tout bête. C'est aussi une façon de vendre de l'eau, quoi, en quelque sorte. Alors, l'eau du robinet, l'eau minérale, si l'eau du robinet n'était pas bonne, on peut la parfumer avec un peu de citron, avec de la menthe, avec des choses non caloriques. Hein. C'est tout à fait possible. Privilégier également les... Il y en a qui mettent, par exemple, de la menthe. Oui, des feuilles de menthe, des fruits coupés un petit peu dans de l'eau, une rondelle de citron, c'est excellent. Ça aide à boire plus d'eau chez les gens qui n'aiment pas l'eau. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau naturelle. Et privilégier des aliments qui contiennent beaucoup d'eau. C'est le moment de manger des concombres, des tomates, des courgettes, la pastèque, des légumes qui contiennent de l'eau et des électrolytes, du potassium et des vitamines. Quel est le rôle du potassium dans tout ça ? C'est un des électrolytes majeurs du corps humain. Il est surtout dans les cellules. Et vis-à-vis de la circulation du cœur ? Alors, il a un rôle vraiment essentiel. Il a un rôle pas essentiel, mais il a un rôle important. Il faut qu'il soit dans des normes correctes. Le manque de potassium est dangereux pour le cœur et l'excès de potassium est peut-être mortel également. Donc, il faut rester dans des normes, dans une certaine moyenne. Calcium, potassium, sodium sont des électrolytes importants pour le fonctionnement des muscles, du cœur, de l'ensemble du corps humain. Quoi. C'est important. Il y a des aliments qui contiennent plus de potassium. Je pense à la banane, par exemple. C'est riche en potassium. Donc, privilégier les boissons, même le thé et le café, s'ils ne sont pas trop forts et s'ils sont en quantité modérée, c'est tout à fait recommandé. Hein, pas d'alcool. Ah oui, bien sûr. L'alcool, c'est pas bon pour la canicule, pour la déshydratation. Ça modifie les réactions du corps humain à la thermorégulation. Ça perturbe complètement la thermorégulation. Ça fait monter la température. Ça fait monter la température. Forcément. C'est une réponse inappropriée. Puis tous les glucides rapides. Quoi. Les glucides rapides, ce n'est pas terrible non plus. Hein. C'est pas terrible non plus. Priver les sucres lents, mais ce n'est pas propre à la canicule. Hein. Enfin, c'est les glaces. En général. Oui, un petit peu quand même. Mais pas trop. Il y a un côté plaisir dans l'alimentation, mais il ne faut pas en abuser. Quoi. C'est les quantités c'est de sucre sûr, qui surtout, sont... Surtout s'il fait chaud. Qui sont importantes. Ça refroidit sur le moment, ça réchauffe après. Oui. C'est ce qu'on dit, quelquefois. Oui, il faut augmenter les apports hydriques. Hein. Ça, c'était la première chose. Il faut éviter aussi se protéger du soleil et de la chaleur. Ah oui, bien sûr. Mettre un chapeau, prendre des vêtements souples, enfin légers, amples. Se protéger de la chaleur, c'est aussi éviter la surchauffe de l'habitat. Hein ? On ferme les volets dans la journée, on ventile la nuit aux heures les plus fraîches. Et puis, il faut se rafraîchir en brumisant, prenant des douches, des bains, des serviettes humides sur la peau. Enfin, c'est tous des petits moyens qui permettent de faire du froid. Quoi. Voilà. Alors, la mode est quand même quelque peu passée de se retirer au soleil. Finalement, cette mode, déjà à partir des années 60, hein, qu'on a connue, est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui, elle est encore d'actualité ? Il faut faire attention parce qu'il y a d'une part la chaleur. Bien sûr. Et d'une part les rayons néfastes du soleil. Certains ultraviolets sont mauvais pour la peau, mauvais pour le corps humain. On a l'impression quand même que le soleil est plus violent actuellement avec la disparition de la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'était une couche... situé à la partie supérieure de l'atmosphère qui protégeait notre bonne vieille Terre des rayons les plus violents du soleil. Quoi. Et donc le soleil est plus agressif pour la peau. Donc on risque plus de faire un vieillissement cutané, on avait quand même lutté contre, contre la disparition de la couche d'ozone, les trous dans la couche d'ozone. Oui, mais je crois qu'elle est toujours là, hein, cette disparition de la couche d'ozone. Hein. Ah oui, toujours, ah, quand oui, même. Oui, on en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins, mais elle est altérée d'une part par les gaz de combustion, hein, les moteurs, les incinérateurs, etc., dégagent des substances qui altèrent la couche d'ozone. Et puis par certains catalyseurs, comme les gaz des réfrigérateurs, les gaz des bombes à aérosol, etc. Ça avait été changé quand même. Oui, c'était les fluorocarbones, je crois. Hein, mais ça a été, on les a réduits, on a fait un effort là-dessus. Mais la couche d'ozone est toujours quand même très abîmée. Très abîmée quand même. Donc une couche d'ozone qui nous protège moins au-dessus de l'atmosphère, et en dessous, des gaz à effet de serre qui gardent la chaleur. Voilà, c'est un petit peu le cercle infernal qui nous expose. Ouais, c'est ce qui nous attend de plus en plus pour les années à venir. Parce que oui, c'est vrai qu'au-delà des températures très, très élevées qu'on a pu avoir, il y a aussi le problème de la fréquence de retour de chaleur de plus en plus, importante, de sécheresse de plus en plus importante. Il y a des épisodes de canicule qui seront de plus en plus importantes, en durée et en jours annuels. Avec leur corollaire, c'est-à-dire des tempêtes, des trucs des comme tempêtes, ça. Voilà. Des périodes de sécheresse, une déshydratation des sols qui favorise la montée en température après, qui favorise l'émission de poussière et de particules dans l'atmosphère, qui elle-même capte la chaleur. Enfin, c'est une espèce de cercle vicieux, quoi. Puis cette sensation de pression qu'on peut avoir quand il fait véritablement chaud, oui, hein, qui est de plus en plus marquée. On a l'impression que même s'il n'y a pas d'humidité dans l'air, on est quand même oppressé. La chaleur est mieux supportée en période sèche qu'en période humide. Oui, bien sûr. Parce qu'en période humide, au-delà de 90% d'humidité, telle qu'on peut l'avoir dans certains pays équatoriaux ou tropicaux, il n'y a plus de sueur, il n'y a plus d'évaporation au niveau de la peau. Ah d'accord. Voilà. Ah, c'est là, on a l'impression que la chaleur colle à la peau. Oui, voilà. Et l'eau ne s'évapore pas, elle ruisselle, on perd de l'eau, mais elle ne s'évapore pas, elle ne fait pas de froid. Donc il y a de la sueur, mais pas d'évaporation. Donc la chaleur sèche est mieux supportée, entre guillemets, que la chaleur humide. Ça, c'est prouvé médicalement, hein, aussi. Que dire d'autre ? Ben, la canicule, c'est un facteur de mortalité. Hein, la fameuse canicule. On a des statistiques maintenant. Oui, la fameuse canicule de 2003 a entraîné 15 à 20 000 morts en France. 70 000 morts. Essentiellement des personnes âgées. 70 000 morts en Europe. Oui, tout à fait. Oui. Et il y a une mortalité qui a été décrite aux États-Unis pour des canicules un petit peu plus anciennes, en 1999. C'est les malades sous neuroleptiques ou médicaments à visée neurotrope. Les psychotropes, les antiparkinsoniens, les anticonvulsivants, etc. C'est des médicaments qui jouent sur la thermorégulation. Et ces personnes-là ont représenté aux États-Unis en 1999, je crois que c'était à Chicago, 50% de la mortalité liée à cette canicule en question. Voilà. Directement. Alors, leur pathologie fait que souvent, ils ont des déficits ou des défauts dans les neurotransmetteurs cérébraux, donc ils ne régulent pas bien la température. Et les médicaments qu'on leur donne majorent encore ce phénomène-là. C'était surtout C'est-à-dire qu'il y a certaines protections. Antiparkinsoniens, neuroleptiques, des antidépresseurs également, des antihistaminiques. Voilà. Et on en consomme de plus en plus. Voilà, ces médicaments-là exposent, c'était pas trop connu. Bon, les personnes âgées ont... Même alors, par exemple, si on traite, parce que, il y a beaucoup de poussière, de pollen, il y a beaucoup d'allergies, si on traite des asthmatiques. Oui. Donc ça peut avoir des effets. Les médicaments peuvent eux-mêmes avoir des effets. D'accord. Voilà. Faut en parler à son médecin traitant. Des antiasthmes. Alors les personnes âgées cumulent un petit peu parce que elles sont fragiles, elles n'ont plus de sensation de soif, elles n'ont plus l'idée de boire souvent, elles sont souvent seules, isolées, personne ne... ne fait l'alerte, si vous voulez, en cas de problème de déshydratation chez une personne âgée. Et puis, elle cumule des pathologies cardiovasculaires dont on a parlé, hein. le cœur s'adapte mal à la chaleur, c'est une surcharge de travail pour le cœur. À partir de quel moment, déshydratation, puis, tu disais 10% du... Pour le nourrisson, on parle de 10%. Et pour une personne ? Pour une personne... Enfin, une personne âgée, par exemple. Je sais, par exemple, que la sueur peut atteindre, la déshydratation, la perte d'eau par sueur peut atteindre facilement 3-4 litres par 24 heures, hein, sans problème. Et au-delà, on rentre dans... C'est énorme. C'est ce que perd un marathonien. Oui, c'est énorme. Lors d'une course un peu chaude. Au-delà de ces pertes-là, on entre dans des pathologies de manque d'eau. Quoi. Il faudrait peser les personnes âgées le matin et le soir ou dans la journée, les peser plusieurs fois, passer sur la balance pour savoir quel est leur déficit. Sur le corps, c'est quand même combien, 80% d'eau. Ah oui, 80% d'eau. Hein. Oui, nous sommes. C'est là véritablement qu'on mesure l'importance de l'eau dans le corps humain. Oui, tout à fait. De l'eau, des électrolytes, nous sommes. Comme toute espèce animale issue de... Nous sommes des espèces marines au départ qui se sont adaptées à la vie aérienne, mais nous avons conservé notre milieu intérieur aqueux, voilà, extrêmement aqueux. Les seniors, l'activité physique... Parlons voir un peu du sport par les grandes chaleurs. L'activité physique n'est pas forcément très, très conseillée. Ou si on la fait par grande chaleur, parce qu'on a... Une marche en forêt, par exemple. Oui, voilà. Il faut se protéger, protéger du soleil, lunettes de soleil, chapeau. Et puis, le faire très progressivement. En cas de canicule, ne pas s'improviser, faire un marathon alors qu'on n'en fait pas d'habitude. Courir en petite séquence, pas très longtemps, le matin tôt, le soir tard. Ce qu'on peut recommander, c'est pour des sportifs qui sont aguerris, qui font même du sport d'habitude, c'est d'utiliser de manière impérative un cardiofréquencemètre pour surveiller la fréquence cardiaque. Ah bon ? Oui. Parce qu'on a des accidents. On peut prendre sur la carotide. C'est difficile de calculer en courant ou en faisant du vélo, par exemple. C'est difficile. Et je crois que c'est une bonne alerte. Il y a des accidents, des morts subites en cours d'efforts sportifs par des compensations cardiaques. Mais ces décompensations cardiaques sont annoncées souvent par des troubles du rythme, des fréquences cardiaques accélérées. Et ne jamais dépasser, surtout en cas de canicule, la fréquence cardiaque maximale qui est de 220 moins l'âge. Hein, si vous avez 50 ans, 220 moins l'âge, ça fait 170. Ça, c'est la fréquence cardiaque maximale. Et idéalement, il faudrait se situer vers 70% de cette fréquence cardiaque maximale. Il faut se situer encore en dessous. Ça paraît faible, hein ? Ça paraît faible. Parce qu'un effort physique important, on monte vite à 180. Oui. Mais les efforts... Et l'âge ? L'âge joue, oui. Joue. La fréquence cardiaque maximale est liée à l'âge. 220 moins l'âge. Ça, c'est important. Donc, plus on vieillit, et en tant que retraité, je m'en aperçois, il ne me reste plus beaucoup. Toi qui étais un grand sportif au cours de ta vie. J'ai essayé, j'essaie de me maintenir, mais je dois faire attention. Même sans parler de sport, on peut monter 4 étages un peu vite et puis dépasser. Et je pense que... ses limites. Je pense que des personnes exposées aussi aux problèmes de canicule sont les gens qui travaillent à la chaleur. Ah oui, bien sûr. Charpentiers-couvreurs. Charpentiers-couvreurs, les travaux publics, les soudeurs, tous ces gens-là. Je pense que ça nécessite quand même des précautions extrêmement particulières, comme des aménagements des horaires de travail. Ce serait bien de travailler peut-être, je ne sais pas, 4-5 heures du matin et travailler le soir, mais c'est peut-être pas facile. C'est bien aussi de prévoir des locaux, je dirais, de rafraîchissement, qui soient climatisés, ventilés, brumisés, etc. Et puis c'est bien que les gens soient informés, que les encadrants soient motivés et informateurs, qu'ils informent les gens qui travaillent en leur disant il ne faut pas minimiser la chaleur, quoi. Il ne faut pas minimiser les coups de chaud. Si les gens font des malaises, ce n'est pas des mauviettes. On décède au travail avec la chaleur en France. Tous les ans, bien sûr, parce que là c'est absolument inhumain de se promener sur un toit, travailler sur un toit par des températures de. Et puis des gens qui travaillent de 40 degrés à l'ombre. Des gens qui travaillent avec des combinaisons. Je pense aux gens qui font du désamiantage. Ah oui. hein, à la chaleur, sur des toits ou des choses comme ça, dans des combles chauffés, qui sont chauds, pas isolés. Je pense qu'il y a des travaux qui doivent être réduits en temps, en durée. Ça favorise quand même la sudation. Oui. Mais bon, dans une certaine limite, quoi. Il faut boire beaucoup, là. Je crois que c'est plus trop quand même d'actualité de dire que les gens qui faisaient des malaises ne tenaient pas le coup, étaient des mauviettes, etc. Non, je crois qu'il faut, il faut être prudent, il faut s'en méfier. Voilà. Mais je crois que c'est bien passé, la médecine du travail insiste. Et puis, il y a des plans canicules maintenant qui ont attiré l'attention des employeurs et des encadrants sur ces conditions de travail difficiles. Voilà. Je pense que c'était à signaler, quoi. Voilà, on a fait un petit peu le tour. On va s'accorder une pause musicale. Oui, c'est parti. Voilà, au choix de notre invité, bien entendu. Voilà, c'était les Rolling Stones. Les Rolling Stones, hein, c'est bien ça que je ne confonds pas. Ça me rappelle ma prime jeunesse, j'allais dire. Voilà, alors c'était le choix de Jean. Je vous rappelle qu'on est avec le docteur Jean Tisserand, notre partenaire, pour le magazine Santé du mois de juillet. Et on parle bien sûr des températures, de la chaleur, de ses conséquences, etc. Les problèmes d'insolation, d'hydrocution, oui, on peut les aborder ? Oui, oui, tout à fait. Les insolations, c'est vraiment un problème d'augmentation de la température cérébrale qui donne ces malaises, nausées, vomissements, troubles de la conscience. Il faut se protéger la tête, le cerveau du soleil, du coup de chaleur. Quoi. Et puis, le coup de chaleur, on a l'impression quelquefois, enfin moi j'en étais victime, en faisant de la course à pied, enfin de compétition un peu rude, et on a l'impression que ça, les conséquences, c'est comme un gros rhume, quoi, comme une infection ORL un peu. D'avoir surtout des céphalées, des nausées, vomissements, voilà. Et puis parfois même des propos un petit peu incohérents, il y a eu des crises convulsives également, ça peut arriver, des pertes de conscience, des choses comme ça, ça peut être grave. Il y a même chez les sportifs de haut niveau. Oui, tout à fait. L'augmentation de la température du corps aussi est fonction de la surface corporelle par rapport à la masse corporelle. Les sportifs sont souvent des gens qui ne sont pas très gros, qui ont une faible inertie thermique, mais une surface corporelle normale, quoi. Donc ils peuvent s'échauffer plus rapidement. Alors, je me souviens de Simpson qui est décédé dans le Ventoux. Dans le Ventoux, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin bon, il y avait certainement d'autres choses. Peut-être en particulier la mode des amphétamines de l'époque. Pharmacologique, peut-être, oui. qui avait joué, mais il y avait quand même la chaleur. La chaleur. Ah. Oui. Cet homme qui titube, je me souviens, le vélo qui fait des zigzags. Le mot marteau. Voilà, ouais. Ou la sorcière aux dents vertes, des appréciations. Il faut signaler aussi les problèmes cutanés, liés non pas directement à la canicule, mais à l'exposition au soleil. Au soleil, oui. On assiste à une augmentation des mélanomes, des cancers de la peau, des cancers de la peau assez graves quand même. C'est vraiment l'exposition au soleil, c'est-à-dire que c'est pas indépendamment de la température. Oui, non. C'est le soleil, c'est les rayons ultraviolets. Donc le soleil, c'est peut-être un ami, mais ça peut être ennemi. Un ennemi, oui, tout à fait. Il faut savoir s'en protéger. Et c'est vrai qu'il y a une mode, après les années 50-60, de s'exposer au soleil, d'avoir des corps hâlés, bronzés, etc. Mais on le paye aujourd'hui en matière de cancer de la peau. Signalons de manière anecdotique que l'homme est issu d'Afrique, nous étions des noirs, nous sommes des noirs dépigmentés. Nous avons perdu la mélanine de notre peau lors de la préhistoire, quand l'homme est venu en Europe. Et ce qui était nécessaire pour mieux absorber la vitamine D, mais ce qui est néfaste pour l'exposition au soleil. Et comme actuellement on a une exposition au soleil qui est plus importante, peut-être que nous évoluerons de nouveau vers une repigmentation de la peau. Ça risque d'être long. Mais l'évolution prend son temps. La mélanine. La mélanine. Les noirs ont de la mélanine en quantité importante qui colore leur peau. Des populations qui ont émigré vers le nord ont perdu cette pigmentation, sont devenues blonds, roux, plus on allait vers le nord. Et certaines populations. Il y avait quand même des albinos. C'est une petite erreur génétique. Et certaines populations européennes qui étaient dépigmentées se sont repigmentées en redescendant, en remigrant vers le sud. C'est comme c'est, je crois, le cas des Mélanésiens. Donc, des millénaires, c'est quelque chose qui se fait à très longtemps. Bon, on voit bien quand même des populations qui sont d'origine blanche, on pourrait dire, qui sont des populations. Qui vivent dans des pays chauds, c'est vrai qu'ils deviennent de plus en plus bronzés. Ils se pigmentent. Celle que, par exemple, au sud du Maroc. Pour ne citer que cet exemple, bien tout sûr. À fait. Les problèmes d'hydrocution. Quand il fait très chaud, la température du... C'est souvent des jeunes, finalement. Oui, température du corps très chaude, de la peau surtout très chaude, et rentrer dans une eau qui est fraîche. Alors ça, ça arrive souvent en début d'été, quand les canicules sont précoces. Et c'est arrivé cette année au mois de juin. Il y a eu beaucoup de morts par noyade. C'est un choc thermique. Il y a une, quand on rentre dans l'eau froide, il y a une vasoconstriction brutale et le cœur qui était en surcharge de travail parce qu'il dilatait la peau pour suer, pour transpirer. Brutalement, il y a une vasoconstriction et une augmentation de la pression artérielle et des malaises cardiaques. Et ça arrive à tout âge, hein, tout âge. C'est pas une histoire de... Dans les cas extrêmes, ça conduit à la mort. Ah oui, à la mort par noyade immédiate, par un malaise dans l'eau. Un malaise dans l'eau avec noyade. Quel autre symptôme peut y avoir, si, sans parler de des cas extrêmes? Des malaises, des gens qui tournent de l'œil, qui ont tendance à perdre conscience, à ne pas se sentir bien, il faut sortir tout de suite ou appeler au secours. Hein. C'est très rapide. Souvent, ces personnes se baignent avec d'autres personnes et coulent instantanément à côté d'eux. Hein. S'il n'y a personne pour voir, c'est très mauvais. Quoi. C'est arrivé pas mal cette année parce que la chaleur est venue très tôt. Oui. Au mois de juin, et les eaux n'étaient pas encore très chaudes. Donc la différence de température a entraîné pas mal de noyades. Ça a été signalé. Mais ça se voit toute saison, mais particulièrement quand la canicule est très, très précoce. La canicule entraîne aussi des troubles du sommeil. Surtout le soir. Le soir, oui. Alors, il faut éviter de passer des heures devant un ordinateur, devant la télé, des choses excitantes qui augmentent la température de la pièce d'ailleurs. Il faut essayer de vivre dans le calme le soir, de se relaxer avant de dormir. Et douche. Douche avant fraîche, de dormir. Des bains, pourquoi pas. Oui, douche, bain frais et surtout éviter des repas trop copieux le soir. Ah bien sûr. La digestion entraîne une augmentation de la température corporelle et Le barbecue rosé, avec modération en période de canicule. Hein, je verrais plutôt, la salade de concombre ou de tomate. Bon, c'est peut-être moins. avec du riz pour les protéines, quand même conservées. Ouais. Mais justement sur l'alimentation, parce que là, finalement, quel est le rôle des protéines dans ces cas-là? Ça développe de la chaleur, ça? Non, pas trop de chaleur. Les protéines sont surtout des aliments à visée reconstructrice. Nous détruisons tous les jours des cellules de notre peau, des cellules de notre tube digestif. Nous renouvelons nos tissus tous les jours et il y a un besoin de protéines qui sont les tissus de soutien de ces cellules du corps humain. Mais les hydrates de carbone se transforment quand même en glucides et en chaleur, non? Les hydrates de carbone sont des glucides. Oui, c'est des glucides. C'est des sucres, oui. Mais des sucres lents. Il y a des sucres lents, des sucres rapides, selon qu'ils sont plus ou moins absorbés. Il est toujours recommandé de privilégier les sucres lents par rapport aux sucres rapides qui font monter très rapidement la glycémie, mais qui la font chuter aussi très vite. Qui font monter aussi la température. La température du corps. Qui accompagne la chaleur. Mais il faut une alimentation équilibrée, je crois. Équilibrée et surtout, je dirais, des fruits et légumes. Voilà, qui apportent les électrolytes nécessaires. Alors, on revient un petit peu à l'hospitalisation de personnes. Bon, c'est essentiellement des personnes âgées. On a vu avec la canicule de 2003. Oui. Les personnes âgées sont sujettes à déshydratation. Alors, ce qui est curieux... Les maisons de retraite, maintenant, commencent à prendre en compte... Il y a des plans canicules, des alarmes orange, rouge, etc. Il y a des mesures préventives qui sont bien organisées maintenant et les personnels soignants sont au fait de ces soucis et de cette pathologie. C'est quand même plus connu. Mais sont plus exposés aux accidents les personnes âgées, les femmes, les personnes seules et les personnes qui vivent en milieu urbain. Parce que les immeubles distillent de la chaleur, forcément, le béton. Il y a des îlots de chaleur dans les villes, le béton, les pierres, le matériau de construction amassent la chaleur dans la journée et la restituent la nuit. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus moyen de se rafraîchir. Une fois qu'une maison, même des maisons en matériaux anciens, de briques, de pisés, etc., sont d'excellents capteurs thermiques. À l'inverse, des gens qui vivent à la campagne, sur des terrains végétalisés, qui retiennent de l'eau, qui évaporent de l'eau. Les coups de chaleur sont, enfin les îlots thermiques sont beaucoup moins importants, sont beaucoup plus. Ça se voit même dans nos régions. Un jardin couvert de végétaux, d'herbes, de pelouses, d'arbustes, d'ombres est beaucoup plus frais que qu'un jardin. Et puis résiste beaucoup mieux à la sécheresse. À la chaleur, oui, à la sécheresse. D'ailleurs, je me souviens. Qu'un jardin entièrement fait de macadam et de pavés autobloquants. La sécheresse de 1976, oui. Il y avait beaucoup de climatologues. On ne disait pas climatologue à l'époque, qui parlait justement de l'arasement des haies, tout ça, qui était une erreur gigantesque dans la culture intensive. Oui. Et le désherbage en ville, je dirais même, c'est pas bien. Je pense qu'il faut laisser un petit peu des touffes d'herbe, des pissenlits pousser sur nos trottoirs ou au bord de nos trottoirs. Puis dans nos pelouses aussi. Oui, nos pelouses. Ah, parce que raser des pelouses prématurément, non seulement c'est pas bon pour les insectes, pour la pollinisation. Laisser des Mais c'est aussi pas bon pour le terrain. Finalement. Laisser une végétation spontanée qui s'adapte aux conditions locales, je crois que c'est important. Et il est important de savoir que la biomasse, la masse végétale, est quand même un volant d'inertie très important sur la quantité d'eau. Je crois qu'un arbre moyen qui pèse, je crois, 1200 kilos à peu près, avec ses feuilles, ses branches, sa ramure, etc., contient 800 litres d'eau. C'est énorme. Si on prend le même arbre sec, il ne pèse plus que 200 kilos, je crois, un arbre moyen. Voilà. C'est un volant énorme. Ça nous rapproche quand même de la santé humaine, la déforestation. Le problème de la déforestation, non seulement pour capter le carbone, mais aussi pour... Retenir l'eau. La déforestation. Donner de l'oxygène, etc. La déforestation en Amazon, par exemple, c'est catastrophique. On parle beaucoup du réchauffement climatique, mais on est beaucoup plus discret sur le problème de déforestation. Oui. Nous sommes des complices parce qu'on déforeste aussi pour nous fournir des bois à nos sociétés. Il est question d'un accord, là, qui est préparé avec l'Amérique du Sud pour les produits agricoles. On peut quand même se poser des questions. Ouais. Hein, est-ce qu'il y a véritablement une volonté politique, justement, de lutter contre le réchauffement climatique, qu'on adapte un peu à toutes les sauces? Et puis, est-ce qu'on a un regard suffisamment lucide sur justement cette déforestation? Je ne crois pas. Je pense qu'on veut bien lutter contre les phénomènes climatiques responsables de canicules, de chaleur, d'augmentation thermique, tant que ça ne modifie pas l'ambiance économique de notre pays. L'économie prime encore actuellement sur la préservation de la planète. Je crois que tant qu'on en arrivera là, on n'a pas de salut. De moyens véritablement efficaces de contre le réchauffement climatique. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'individuellement, on n'accentue pas les problèmes, et puis que nos belles forêts ne disparaissent pas. Quoi. Bah, actuellement, nos forêts dans les Vosges sont atteintes de sécheresse. Des sapins meurent. Je sais que dans la vallée de Masevaux, par exemple, il y a 100 000 mètres cubes de bois perdus par la mort des sapins. Ce qui représente à peu près... Aussi les colites, le bostrèche. Oui, justement, alors cet insecte-là qui attaque les sapins profite de la souffrance des arbres. Ce sont des arbres déshydratés qui sont en mauvaise santé. Et ils sont des sols bombardés par les grandes abatteuses, etc. Des sols qui souffrent aussi. C'est un problème. Et on est en train d'assister à un recul des espèces, boréales, des espèces qui datent de l'époque glaciaire, les sapins, les bouleaux, sont repoussés vers le nord de l'Europe et vont être peut-être remplacés par des feuillus, genre chênes, chênés. Il y a une modification écologique de l'implantation des végétaux qui progressent du sud vers le nord. On va parler justement des conséquences de tout ça sur la santé. On les a déjà abordées, bien sûr, puisque en même temps, on était en pleine actualité avec des températures extrêmes qu'on a connues. Voilà, on va s'accorder une pause musicale. shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind, this love is fine. Just great balls of fire. Kisses the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my nail and I twiddle my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Voilà, on reprend l'antenne avec Dr Jean Tisserand, notre partenaire pour un magazine santé. Quand je dis notre invité, c'est aussi d'abord avant tout notre partenaire. Depuis bien qu'on fait équipe, oui, on peut le dire. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà et nous avons beaucoup de plaisir donc à retrouver Jean au micro d'RGM. C'est tout à fait réciproque. Voilà, oui, alors ce réchauffement climatique, parce que bon, c'est vrai que cette température extrême qu'on a connue, hein, je voyageais dans le puits de Dôme, on avait 40 degrés. C'était... Il y a eu 45 degrés 9 dans le Gard. Ah oui, c'est énorme. Je crois que c'est le 26 juin, je crois, dans un village du Gard. On a battu le record français qui était de 44 degrés. On est passé à 45 9. Et puis il y a un enchaînement, voilà, qui se fait parce qu'il faut de plus en plus d'eau. Mmh. Puis il y en a de moins en moins, etc. Oui. Alors là, il y a un plan sécheresse qui se met en place. Oui, il y a des restrictions. C'est essentiellement pour faire payer le consommateur d'eau, mais pas forcément le gros consommateur d'eau, c'est-à-dire l'agriculture. Oui, oui, oui, tout à fait. Oui. Hein, parce que là, il y a un déséquilibre aussi, parce qu'on a aussi adopté des méthodes de culture. D'agriculture intensive, de plantes qui nécessitent énormément d'eau. Hein, oui, en particulier, oui, le maïs. Le maïs, oui. Dans le sud-ouest, il ne pousse pas s'il n'y a pas d'eau. Et à propos de maïs, je suis un petit peu surpris. On ne voyait pas autant de champs de maïs dans l'est de la France qu'actuellement. Et je vois dans la vallée de Vanier, il y a des champs de maïs qui ne sont pas du tout arrosés et qui sont ouverts. Oui. Encore. Hein, c'est la preuve qu'il y a une remontée en latitude des espèces végétales, y compris celles cultivées. Je dis toujours en plaisantant que je ne désespère pas de cultiver des oliviers ou des oranges armièrement. Hein. c'est une plaisanterie, mais... On nous annonce quand même une augmentation en 2100 de 2 à 4 degrés de la température moyenne. Et cette température moyenne, la température l'été pourrait être plus. L'augmentation de température l'été pourrait être plus importante, jusque de 3,5 à 5-6 degrés. Et finalement, donc il va falloir que le corps humain s'habitue. Puisqu'on fait très peu de choses, finalement. Oui. On l'a vu, il faut être quand même lucide. Hein. Mmh. Nos gouvernants font semblant, en gros, de lutter contre le réchauffement climatique, mais l'activité humaine n'est peut-être pas la seule responsable de ce réchauffement climatique. Oui. En tout cas, il va falloir que le corps humain s'adapte. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a déjà eu des réchauffements autrefois, jusqu'à... J'ai des amis blacks qui supportaient mal, hein, température de 40 degrés. Il y a 39 degrés qu'on a eu. Il y a 12 000 ans, c'était la fin de la dernière glaciation. Et il y a eu un réchauffement climatique spontané qui était non lié à l'espèce humaine. Mais ce réchauffement climatique est particulièrement lié à l'espèce humaine. Voilà, sauf si on est négationniste sur l'évolution du climat, comme certains présidents. Et l'accélération. Oui, oui. Une accélération très rapide qui est due à notre mode de vie, de consommation. Oui. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas très logiques. Donc, on a très chaud, on climatise. Le climatiseur, consomme de l'électricité, mais dégage de la chaleur à l'extérieur. Si on fait du froid dedans, on dégage des calories à l'extérieur. Donc, ça chauffe encore plus l'extérieur. Et la climatisation, c'est une source importante de surconsommation électrique. Alors cette consommation et puis de poussière aussi, non ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est accompagné quand même de brumisateurs. Oui, il peut y avoir des maladies liées comme les légionelloses qui sont pour les climatiseurs qui sont mal réglés ou mal entretenus. Mais on consomme plus. Y compris dans les automobiles d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. On consomme plus. Alors c'est quoi la légionellose ? C'est une bactérie qui se développe dans les tours des climatiseurs, les tours extérieurs des climatiseurs sur les toits, et qui se développe également dans les tuyaux d'alimentation d'eau chaude, quand elles ne sont pas très chaudes, et quand l'eau y est stagnante, quand elle n'est pas régulièrement tirée. Et cette bactérie donne des infections pulmonaires graves, qui peuvent être mortelles, hein, des pneumopathies graves. Voilà. Et qui sont. Il y a des gens qui se contaminent dans certains quartiers de la ville de Paris, de la ville de Londres, etc. Je crois qu'il n'y a pas trop de contagion interhumaine. C'est une contamination par l'air inspiré provenant de climatiseurs ou par l'eau des tuyauteries. Un exemple célèbre était les légionelloses qui sont survenues à Gréoux-les-Bains, dans une station thermale où les gens prenaient des douches, des pulvérisations d'eau dans les soins thermaux. Et les premiers qui passaient le matin attrapaient tous cette maladie-là. Parce que l'eau était stagnante dans les tuyaux. Voilà. Et pour prévenir cette légionellose, il faut faire couler le robinet d'eau chaude avant ou faire des chocs thermiques pour détruire la bactérie dans les circuits d'eau chaude. Oui, et puis ça, c'est quand même un choc thermique assez important, mais cette histoire de climatiseur, parce qu'on le voit déjà quand on rentre dans un supermarché, qu'on approche des rayons frais. Tout de suite, on est pris, quoi. Oui, alors, c'est aussi une recommandation pour les personnes âgées et sensibles au choc thermique. Aller dans les supermarchés, il fait frais, c'est climatisé. Aller dans les cinémas climatisés, quand il y en a. Puis aller dans les églises, qui sont des lieux frais, qui restent très frais l'été. Voilà. Bon, fermons la parenthèse. Alors, que dire encore ? Oui, alors, par rapport à cette végétation, on a survolé un petit peu le sujet, hein, mais c'est vrai qu'on a quand même, maintenant on commence à prendre conscience qu'il faut végétaliser, les espaces, y compris les espaces urbains d'ailleurs. Surtout les espaces urbains, parce que qui sont des véritables capteurs thermiques, le béton, le pavé autobloquant, le macadam, les toits Nos fameuses pelouses qu'on a rasées prématurément, etc. Oui, je pense qu'il faut laisser les pelouses, et même plus que les pelouses, des arbustes pour faire de l'ombre, pour préserver quand même. La pelouse, c'est quand même un végétal très sensible. Hein, la pelouse, elle grille très rapidement. Par contre, de la bonne vieille herbe, du pissenlit, du trèfle, des choses comme ça sont moins sensibles. Sont plus des violettes, des campanules. Voilà, oui, des campanules. Je dirais une pelouse, entre guillemets, très diversifiée. Voilà. Pas uniquement des petites graminées de culture très sensibles à la chaleur. Quoi. Et je crois que c'est important. C'est des réservoirs d'eau. C'est énorme ce que ça peut stocker comme eau. Et l'eau de ces végétaux, quand la chaleur augmente, s'évapore, part sous forme de vapeur d'eau qui se condense en altitude. Surtout la nuit. Oui, qui fait de la rosée, après et qui humidifie, qui fait du frais. Qui porte la rosée le matin. Voilà, oui. Ça permet dans des régions comme la nôtre quand même de pouvoir dormir sur le matin. C'est un peu de fraîcheur. Je pense qu'entre un jardin extrêmement aride, recouvert de pierres et de de pavés autobloquants et de macadam et un jardin extrêmement végétalisé, on peut avoir des différences de 3-4 degrés de température. C'est très important, je crois, la végétation. Et puis alors, bien sûr, ouvrir la nuit, etc., ventiler les maisons. Ventiler la nuit, oui. C'est absolument indispensable. Parce qu'en plus, dans les Vosges, on a le problème du radon. C'est une bonne chose de ventiler les maisons régulièrement. C'est un produit, surtout l'été, comme c'est ça, un produit radioactif issu des sous-sols. Même l'hiver, bien sûr, ouvrir. Mais ouvrir, oui, tout à fait. Même si on doit refermer rapidement à cause des températures. Alors nous souffrons de la chaleur, mais les animaux souffrent aussi de la chaleur. Je sais que près de Strasbourg, il y a la Ligue de protection des oiseaux, par exemple, recueille actuellement 60 oisillons par jour, déshydratés en état de maigreur extrême. Et ils les nourrissent, ils les réhydratent. Et ce sont surtout les hirondelles et les martinets. Voilà. Oui. C'est un phénomène on parle de pratiquement la disparition de la moitié des hirondelles et des martinets. Oui, on en voit très peu. Oui. C'est dû à une raréfaction peut-être aussi des insectes qui sont leur nourriture. Oui, puis l'histoire de destruction des nids. Des nids, oui. Qui sont faits par les humains. Et puis une modification de leur habitat agricole, parce qu'autrefois, il y avait des hirondelles. Les pesticides. Dans toutes les fermes, il y avait des nids d'hirondelles. Elles rentraient par les portes de grange, par les petites fenêtres rondes ouvertes dans les portes de grange. Elles faisaient leur nid sous les poutres du charis. Et elle se nourrissait des insectes de la ferme. Il n'y a plus beaucoup d'insectes dans les fermes actuellement. Qu'apportent tous ces animaux sur l'équilibre humain, à ton avis ? Je crois que l'homme n'est pas considéré de manière isolée. Nous sommes dans un milieu écologique, végétal et animal. Et je crois que nous jouons avec le feu en détruisant un petit peu tout ce qui nous entoure. Je crois que ces animaux, pour revenir aux oiseaux par exemple, les oiseaux détruisent les parasites des arbres et des cultures. Je voyais chez moi, j'avais un rosier devant ma fenêtre, et il y avait sans arrêt des petits oiseaux qui venaient grappiller, qui venaient secouer les branches en fait, et je suis allé voir et c'était plein de pucerons. Donc ces oiseaux mangeaient les pucerons. Coccinelles aussi. Oui, les coccinelles. Oui, il y a un équilibre et cet équilibre est rompu, il est extrêmement menacé, donc on va avoir des pullulations de certaines espèces. On a des punaises actuellement qui prolifèrent parce qu'elles n'ont pas de prédateurs, des punaises de jardin, asiatiques. On trouve beaucoup sur les framboisiers. Voilà, oui. Et on a des disparitions complètes d'autres insectes. Très peu de papillons cette année, j'ai trouvé. Oui, c'est très vrai. Très peu de chenilles, très peu de papillons. Donc on voit des... Il y a une rupture de l'équilibre écologique et l'homme n'est qu'un un élément de cet ensemble. Et je pense que c'est... Il pourrait être à l'origine... C'est un signe qui a dit quand les abeilles disparaîtraient, l'homme disparaîtrait aussi. Oui, mais bien sûr, les abeilles sont nos principales auxiliaires pour polliniser nos cultures et dont nous dépendons pour nous nourrir. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vois Marion. Bonjour. Un petit coucou à Marion. On vous souhaite une très très bonne fin de journée à tous. Et puis, pas trop chaude. Pas trop chaude. Un peu de rafraîchissement. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain, bien sûr, pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Bonne soirée à vous tous et merci de votre écoute. Merci, Jean. Au revoir, Michel. Au revoir.